sens ton indifférence. Toi, qui du haut de ta tour ne nargue de ta beauté. Toi qui me regardes mourir d'amour, du haut de tes remparts, seule ma mort apaisera ta faim. Coiffe le monde, revêtu l'armure noire.